Lettre 37e. Meurtre effroyable, la morgue, suicide, vanité, anecdote, influence de la littérature moderne, aspect de la pauvreté différé en France et en Angleterre. Nous venons d'éprouver la sensation la plus pénible par les détails horribles et dégoûtants qui nous ont été rapportés d'un meurtre, dont le récit prouve que nous vivons dans un monde rempli d'êtres incomparablement plus cruels que les féroces habitants des forêts. La victime était une malheureuse femme, encore très jeune, si l'on peut juger par les restes mutilés qui ont été trouvés dans la Seine. Du reste, plusieurs jours se sont écoulés avant que, dans le nombre de personnes qui accouraient à la morgue pour voir ses membres défigurés, il s'en soit trouvé une qui ait cru reconnaître ses traits. À la fin, la personne chez qui elle avait logé s'efforça de rattacher dans sa pensée les restes qu'elle voyait à ceux d'une locataire qu'elle avait perdue. Elle parvint en effet à se convaincre de leur identité, mais les motifs sur lesquels elle fondait sa persuasion ne parurent nullement satisfaisants à l'autorité. Toutefois, elle fit arrêter un homme qui avait vécu dans l'intimité de l'infortuné dont la disparition avait engagé cette femme à aller visiter la morgue. L'homme avoua sur le champ son crime, sinon dans les paroles, du moins dans l'esprit du poète. « Mourons. De tant d'horreurs qu'un trépas me délivre, est-ce un malheur si grand que de cesser de vivre? La mort, au malheureux, ne cause point d'effroi. Je ne crains pas le nom que je laisse après moi. » La cruauté toute particulière avec laquelle le crime a été commis et la manière audacieuse dont le coupable paraît braver la justice empêcheront à ce que l'on croit que le jury ne déclare des circonstances atténuantes comme il a coutume de le faire, afin que la peine de mort soit remplacée par celle des travaux forcés. On est généralement convaincu que ce lâche assassin sera guillotiné malgré la répugnance du gouvernement pour la peine capitale. Les circonstances sont en effet hideuses sous tous les rapports, et d'autant plus qu'il s'y est mêlé ce que l'on appelle à tort une tendre passion. La fureur du cannibale qui tue son ennemi afin de pouvoir le manger ressemble pour le moins autant à de la tendresse que ce genre d'affection. Quand cette passion ne se compose que de ce qu'il y a de plus délicat dans l'amour, elle peut mériter l'épithète de tendre. Mais nous avons depuis peu entendu parler de tant d'assassinats horribles et prémédités qui tiraient leur origine de ce qu'il plaisait aux journaux d'appeler une grande passion, que la première idée que fait naître maintenant en moi une histoire d'amour est qu'elle devra nécessairement se terminer par un meurtre épouvantable. Y a-t-il dans un langage quelconque un mot qui fasse naître autant de sensations d'horreur que le nom de la morgue? La haine, la vengeance et le meurtre sont terribles, mais la morgue les surpasse tous par le pouvoir qu'elle possède de présenter à l'esprit en une seule syllabe tout ce qu'ont de plus effrayant le crime, la misère, le désespoir et la mort. C'est à l'horrible morgue que sont transportés tous les morts inconnus qui se découvrent dans Paris ou les environs. La Seine est le grand réceptacle qui reçoit en premier lieu les victimes du crime ou du désespoir. Mais elles ne peuvent pas longtemps éluder la vigilance de la police parisienne. Un grand filet tendu en travers de la rivière à Saint-Cloud reçoit et retient tout ce que le courant entraîne, et tout ce qui, parmi les objets de cette affreuse pêche, offre la moindre trace d'une forme humaine, est journellement envoyé à la morgue. Je dis « journellement », car il est rare que ces tristes niches demeurent vides pendant 24 heures. 8, 10, 12 corps arrivent souvent à la fois par la triste caravane des filets de Saint-Cloud. Je partage, à ce que je crois, avec la plupart des personnes, un désir extrême de voir tout ce qui se rattache directement ou indirectement au sujet ou aux événements qui m'ont intéressé. Mais, chose étrange à dire, l'influence de ce sentiment n'est jamais aussi forte que quand il se mêle à ce spectacle quelque chose d'horrible. C'est ce désir qui m'a, dans cette occasion, engagé à visiter cet asile de la mort, cet humble et solitaire toit placé au centre même de cette ville de Paris, si remuante, si vivante, si riante. Quelque triste, quelque morne que soit une visite faite à un tombeau, elle ne saurait se comparer pour l'horreur à la sensation que l'on éprouve en passant le seuil de ce charnier. Un tombeau nous porte à la contemplation du sort commun, inévitable, de tous les hommes, mais ce lieu où se rassemblent le péché et la mort fait naître en nous des pensées qui rappellent tout ce qui outrage le plus cruellement la nature et viole le sanctuaire de la vie, animé par le souffle de Dieu. Mais j'étais fermement décidé à le visiter, et j'ai accompli mon dessein. La morgue est un petit édifice, bas, carré, soigneusement blanchi, et situé sur le quai de la cité. Il est ouvert au public et l'on frémit en songeant combien de cœurs y sont entrés pleins d'inquiétude et en sont ressortis livrés au désespoir. En y entrant, je me trouvais dans un vestibule peu élevé et qui ne renfermait aucun objet quelconque. Si je ne me trompe, il y a une salle de chaque côté, mais ce fut dans celle qui est à gauche que l'on me fit entrer, en même temps qu'une douzaine environ d'autres personnes. Je ne me rappelle pas précisément de quelle manière je parvins à l'endroit où les corps étaient visibles, mais je sais que je me trouvais placé devant une grande fenêtre, il y en avait trois, où, au travers des carreaux de laquelle je vis de fort près une rangée de brancards s'abaissant vers les spectateurs dans un angle qui permettait de voir distinctement la physionomie et tout le corps des personnes qui y étaient étendues. De cette manière, je vis les corps de quatre personnes rangées devant moi, mais leur aspect n'avait rien qui ressemblât à la mort. Ils n'étaient pas non plus enflés ni défigurés, mais seulement décolorés au point de leur donner exactement l'apparence de statues de bronze. Deux d'entre les quatre avaient évidemment été assassinés, car leurs têtes et leurs coups portaient des marques effrayantes de la violence dont ils avaient été les victimes. Le troisième était un très jeune garçon, dont la mort avait probablement été accidentelle, tandis que le quatrième paraissait, à n'en pouvoir douter, avoir commis un suicide. Jusque dans la mort, ses traits offraient l'expression du désespoir qui seul pouvait l'avoir poussé à un pareil acte. Il était midi passé quand nous entrâmes à la morgue, mais aucun de ces corps n'avait encore été réclamé ou reconnu. Ce spectacle m'engagea naturellement à faire des recherches sur le nombre de corps exposés ainsi tous les ans, sur celui des suicides qui en font partie et sur les causes qui, le plus communément, donnent lieu à cette terrible catastrophe. Je ne me permettrai point de répéter en chiffres le résultat des renseignements que j'ai demandés, car je ne crois pas qu'ils aient été assez exacts pour cela, mais tels qu'ils sont, il suffirait pour exciter à la fois l'horreur et l'étonnement quant au songe au nombre extraordinaire de personnes qui périssent annuellement à Paris pour avoir porté sur eux-mêmes une main criminelle. Il arrive souvent que les causes qui ont amené un acte de désespoir ont été consignées par les suicidés eux-mêmes dans des écrits qu'ils ont laissés comme un testament à leurs concitoyens et au genre humain. Ce legs ne serait peut-être pas sans utilité pour les survivants, si ce n'est que dans presque tous les cas, les motifs allégués ont été d'une nature si frivole et si méprisable qu'au lieu d'exciter l'horreur, ils n'ont fait naître que le ridicule. On ne saurait nier, d'après le témoignage de ces singuliers documents, que beaucoup de jeunes Français ne périssent tous les ans de cette façon criminelle et déplorable, sans aucun autre motif que l'espoir de faire parler d'eux après leur mort. Si quelque exemple isolé de cette fausse vanité se montrait de loin en loin, on ne le trouverait pas extraordinaire, connaissant jusqu'à quel point cette passion frivole est capable d'égarer le jugement, et on l'attribuerait à une sorte de démence produite par un amour excessif de soi-même. Mais il fallait le témoignage posthume des personnes elles-mêmes pour pouvoir se persuader qu'il ne se passe presque pas de semaine où un pareil événement n'arrive à Paris pour une semblable cause. On m'assure que dans bien des cas, les familles de ces jeunes fous ont eu assez de bon sens pour ne point exécuter les dernières volontés par lesquelles ils demandaient que les absurdes raisonnements qui les avaient conduits à cet acte fussent publiés. Mais il n'arrive que trop souvent que le Constitutionnel et les autres journaux de la même couleur remplissent leurs colonnes des raisons pour lesquelles ces pauvres insensés ont bravé la justice de leur créateur, afin que leurs noms inconnus puissent retentir pendant 24 heures dans la bouche des Parisiens. Il n'y a pas longtemps que deux jeunes gens, sortant à peine de l'enfance, entrèrent chez un restaurateur et commandèrent un dîner d'une délicatesse et d'un prix extraordinaire, et revinrent ensuite à l'heure convenue pour le consommer. Ils l'achevèrent du meilleur appétit et avec l'enjouement naturel à leur âge. Ils demandèrent du vin de champagne et vidèrent la bouteille en se tenant par la main. Pas le plus léger mélange de tristesse et de réflexion ne se mêla à leur gaieté, qui fut longue, bruyante et sans mélange. Après le dîner vint le café, l'eau-de-vie et le total. L'un d'entre eux montra du doigt à l'autre la somme. Tous deux partirent à la fois d'un nouvel éclat de rire. Quand le café fut pris, ils dirent au garçon qu'ils désiraient parler au maître de l'établissement. Il monta sur le champ, croyant sans doute que l'on voulait se plaindre de quelque objet porté trop cher sur la carte. Au lieu de cela, le plus âgé des deux prit la parole et commença par dire que le dîner avait été excellent. Puis, il ajouta que cette circonstance était d'autant plus heureuse que ce dîner serait infailliblement le dernier qu'ils mangeraient de leur vie. Quant au total, il fallait bien qu'il les dispensât de la quitter, attendu que ni l'un ni l'autre ne possédait un sou vaillant. Du reste, il ne se serait jamais permis de lui faire une si mauvaise plaisanterie, si ce n'était que, trouvant les peines et les soucis du monde trop indignes d'eux, ils avaient résolu de faire encore une fois de leur vie un excellent repas, et de prendre ensuite à jamais congé de l'existence. La première partie de leur projet avait reçu sa pleine exécution, grâce à l'excellence de la cuisine et de la cave de monsieur le restaurateur, et la seconde ne tarderait pas, car le café et le petit verre avaient été mélangés avec une drogue qui leur aiderait à payer toutes leurs dettes. Le restaurateur était furieux, il n'ajoutait aucune foi à ce discours et déclarait hautement qu'il les ferait conduire chez le commissaire de police. Il consentit pourtant à les laisser partir après qu'il leur eut donné leur adresse. Le lendemain, poussé moitié par l'envie de se faire payer et moitié par la crainte qu'ils n'eussent parlé sérieusement, il se rendit à l'adresse qu'il lui avait indiquée et il apprit que ces deux malheureux jeunes gens avaient été trouvés le matin couchés ensemble dans un lit, que l'un d'eux avait loué quelques semaines auparavant. Ils étaient tout à fait morts et leur corps déjà froid. Sur une petite table dans la chambre, il y avait plusieurs papiers couverts d'écritures. C'était partout l'expression du désir d'arriver à la renommée sans peine ni travaux, celle d'un parfait mépris pour tous ceux qui consentaient à gagner leur vie à la sueur de leur front. Plusieurs citations de Victor Hugo et la prière de publier dans les journaux leur nom et le genre de leur trépas. On cite une foule d'exemples de jeunes gens, se disant amis, qui se sont ainsi mutuellement encouragés à sortir de la vie, sinon aux applaudissements du public, du moins avec un certain effet. Mais ce qui est bien plus fréquent encore, c'est de trouver des personnes de sexe différent mortes dans les bras l'une de l'autre, exécutant ainsi à la lettre le sort indiqué figurément dans la vieille chanson « Gai, gai, marions-nous, mettons-nous dans la misère, gai, gai, marions-nous, mettons-nous la corde au cou. » J'ai entendu remarquer par des personnes qui considèrent d'un œil philosophique les traits les plus frappants du siècle dans lequel elles vivent, que ce qu'il y a de plus malheureux en tout ceci, c'est l'endurcissement, l'indifférence et le mépris gladiatoral de la mort que l'on enseigne, cultive et loue aujourd'hui comme étant le fondement et la perfection de toute sagesse et de toute vertu humaine. Au lieu de la fermeté que donnent l'espérance et la résignation, ces malheureux sophistes cherchent le courage dans le désespoir et la consolation dans la célébrité. Quand on possède cette clé de la philosophie du jour, il n'est pas difficile de lire son influence sur plus d'une de ces physionomies que l'on rencontre parcourant dans une oisiveté ennuyée les boulevards ou les jardins de Paris. L'aspect de ces figures ne présente aucun rapport avec celles que nous ne voyons que trop souvent assises, pâles, abattues, tristes, sur les bancs de nos parcs ou debout sous nos portiques et nos colonnades, attendant le moment où elles prendront assez de courage pour demander la charité. La faim et l'intempérance laissent souvent sur ces figures des traces dont la réunion excite à la fois la pitié et le dégoût. Je n'en ai point vu de semblable à Paris. Je ne sais s'il y en existe. Mais s'il y en a, les lieux qu'elles fréquentent sont bien éloignés des promenades publiques. Cependant, au lieu de ces hommes, il s'y trouve une autre race de malheureux qui semble y vivre. Moins misérables peut-être par le défaut actuel de pain, mais évidemment aussi privés qu'eux d'occupation, de foyer et d'amis. Les traits de leur visage indiquent un état de l'âme bien différent, moins avili peut-être, mais bien plus perverti. C'est un œil hardi, égaré, qui cherche les regards au lieu de les éviter. Une audace est faite plutôt de l'indifférence que de la fermeté. Un sourire méprisant pour tous ceux qui, faisant pour un moment céder le dégoût à la curiosité, fixent leur regard sur ces figures de vrais héros de mélodrame. Si j'étais roi ou ministre, je croirais devoir surveiller de près ces individus pittoresques, à qui l'on pourrait dire, comme dans la tragédie, « Pour vous, Cassius, vous êtes maigre et vous avez l'air affamé. Vous réfléchissez trop. De pareils hommes sont dangereux. » La personne à qui je m'adressais pour obtenir des renseignements sur la cause des fréquents suicides me dit qu'il y a toute raison de croire que l'augmentation de ce crime, si remarquable depuis quelques années, doit être uniquement attribuée à ce que l'on appelle la littérature légère de l'époque et qui, selon moi, n'a rien de léger. L'absence totale de tout ce qui a le moindre rapport à des principes vertueux dans les actions des personnages que l'école décousue place dans ses drames et dans ses romans, tandis que le nom de religion en est irrévocablement banni, suffirait pour expliquer la dépravation complète de ceux qui font leur étude de pareils personnages et cherchent parmi eux leur modèle. On ne cesse de se moquer d'eux, et cependant les pauvres malheureux ne cessent de croire qu'ils font une grande sensation. Ils croient les yeux de l'Europe fixés sur des hommes qui naguère encore tiraient peut-être l'aiguille sur l'établi d'un tailleur, ou suivaient quelque autre profession tout aussi peu poétique. On pourrait leur appliquer avec une très légère variante les paroles de l'ecclésiastique. Ils maintiennent l'état de ce monde, et ils appliquent leur âme à oublier les ouvrages de leur art.